Induna palca, to chuj się nie gramy. Popójnia do tańca, to chuj się walimy. Halba, a nie drinki, że mamy ciary i znamy wszystkie cichy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, rien de nouveau, consacré aujourd'hui, et ça fait, si ça fait pas très longtemps qu'on n'a pas été là-bas, je crois, c'est qu'on n'y a jamais été, puisque nous allons nous retrouver aujourd'hui dans les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie. Salut souris. Salut Mickey et salut tout le monde, comme d'hab. Ça fait un sacré bout de temps en effet qu'on n'a pas, qu'on n'est pas allé faire un tour par là-bas. Bah, c'est des tout petits pays et, voilà, qui ont en plus eux aussi été sous un certain régime politique pendant très longtemps qui n'a pas simplifié les choses niveau production de musique un petit peu hors du commun, on va dire. Donc, mais écoute, on a quand même une bonne petite sélection là aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et on va commencer en Lituanie, à Vilnius, avec Bora ou Bramborak. Ouais, le groupe se trouve sous les deux noms. Hein. D'accord. Je pense qu'ils ont commencé sous le nom Bramborak et après ils ont viré sur juste Bora. D'accord. Donc, ouais, un groupe de Vilnius qui apparemment a été formé en 98 et se serait arrêté vers 2009. J'ai pas trouvé énormément d'infos, je t'avoue. C'est du hardcore punk, voilà. Et le titre, c'est We Are What We Are. Et nous avons commencé avec Bora et le titre We Are What We Are What We Are. Oh. Voilà. Et On nous est ce qu'on a... est. Ouais, c'est ça. Et on ne s'est pas parlé. Nous allons traverser la frontière pour aller maintenant en Lettonie avec le groupe Drunk Punk. Ouais, Drunk Punk. Oui, j'ai fait une petite coquille sur notre texte. Drunk Punk. Bon, je pense que j'ai pas besoin de traduire ça. Hein, Non. un petit groupe letton avec le titre Panki Nav Mirusi, qui veut dire le punk n'est pas mort. Voilà. Tad līriski instrumentālais gabals Panki nav miruši ritīgi uz velku smukajiem toņiem un ieklausieties jūs dzirdēsiet kā tiek atskaņota folklora Dāj, taču beidam muļķoties, davai spēlēm augšā Piedodies We'll Musst du so reden, so abhackig, na ja, es kommt aus dem Hals, als Arschmeier. Komm mal für ein Bocher am Montag, könnt ihr es machen und greifen, es ist eh bei Eisberg, es ist hart. No virši paket, jebit paket, jebo žilaj po to brimi paket. No virši paket, jebit paket, jebo žilaj po to brimi. Aj po to brimi. Aj po to brimi, brimi, brimi, brimi, brimi. Das schau es aus, Gold packt ab, Sauerkraut. So wir nehmen es uns in Beige, sonst lässt am Allergie es war, du merkst, was soll ich besser? Packe, du willst ein Packe, Jamie, packe, ich will sein, Bote, Brewe, packe, du willst ein Packe, Jamie, packe. Atkal, j'aime pas quoi, c'est thèse. Et voilà pour les Drunk Punk avec le punk n'est pas mort. Punky Nav Mirouzi. Plus ou moins, hein, parce qu'on ne sait pas parler le laiton. Écoute, non, mais en tout cas, de la traduction que j'ai trouvée, moi, oui, c'est non, ça. Mais bien sûr. Ce qui me paraît plutôt bien, d'ailleurs. Moi, je parlais plutôt de prononciation. Ah, de la prononciation. Ah oui, non, la prononciation, pareil, aucune idée de comment se prononce le laiton. Écoute, il n'y avait pas l'air d'avoir d'accent bizarre ou. Ouais, oui. Bah, je pense qu'on. Et c'est là que tu te dis qu'il y a peut-être Anguille Souroche. Voilà, va savoir. Bon, après, on ne peut pas parler toutes les langues du monde. Hein. C'est Ah non, bah heureusement. Ah, ça serait pas mal. Ce serait beau. Hein. Ouais. Babylone, c'est ça, c'est Babylone. Alors, la faute à Babylone. Pour les trucs Bon. bibliques. Trêve de conneries. Et retournons à Vilnius avec Ned Varkog. Ah non, t'en as sauté un, hein, là. Attends. On était sur après Drunk Punk, c'est Lenin. Ah ouais. Sinon, on va l'oublier. Eh ben, on va quand même écouter Ned Varkog. Tiens. Ok, bon, d'accord. Ned Varkog, alors de ce que j'ai trouvé, c'est un groupe formé en 2004, donc à Vilnius, comme tu as dit. Les titres, c'est Mom Patinka. Traduction, normalement, ça veut dire Nous l'aimons. Qui, on ne sait pas. Eiteris, alors j'ai pas trouvé de traduction en lituanien, mais alors par contre apparemment en allemand ça veut dire de bonne humeur, alors je ne Ouais. sais pas si voilà, le mystère reste complet, mais vous avez toutes les infos comme moi quoi. Я дал, у нас стадион от Эльдару. Эльдару! Et voilà pour Nedvar Koyj de Lituanie. Nous allons rester en Lituanie avec le groupe que j'ai oublié, qui est Lenino Prospectas. Ouais, Lenino Prospectas, un groupe apparemment formé en 2003. Et alors, c'est assez marrant, bizarre, quoi. Leurs titres sont en russe, ce qui est assez étrange parce que, bon, dans les pays baltes, ils apprécient pas trop le russe, j'avoue. Après, c'est peut-être, ils sont peut-être juste issus de la grosse minorité russe de ce C'est pays, hein. possible, ouais, c'est fort possible. Parce Mais que c'est je vrai pense que qu'il y a un tel rejet, en fait, de tout ce qui est russe là-bas, c'est. que ça fait un peu bizarre, tu vois. Mais je me demande s'il n'y a pas au moins 20% de locuteurs de langue russe dans les pays baltes. Ou alors ça, le pourcentage, je C'est t'avoue que... des très très grosses minorités. Ouais, voilà, c'est la grosse minorité. Ouais. Donc oui, je pense qu'en effet, c'est ça, quoi. Et donc, le titre, c'est Inogda, qui veut dire parfois. Et c'était Lenino Prospectas avec Inoktar. Mais nous allons rester une dernière fois, il me semble, en Lituanie. Mais cette fois, on va remonter dans le temps, au début des années 90, avec Turboreanimatsia. Ouais, Turbo Reanimatia, ouais, donc du coup qui date de 91, 1991, avec le titre Sudorok Slev... Ah, je vais y aller. Allez. Slevezhivtsio. Et je n'ai trouvé aucune traduction qui avait aucun sens, donc on va laisser ça comme ça. Plus la bête. объемся и шали, не смотрись им дарилкой, считай спектакль. Я и сулапсим революцию снуёс. Сеймас, побегси, шалтос, нету воз. Ну, с корявкой, пижоной, синий поликс. Коромене по месту, мира, выйди из сула. Палышки ренемо, ant rankiai, ant riešų, griebė už kaklo. Tavo pyktis dieną naktį tvenkės, dieną naktį tvenkės. Ir užgniaužia drebančiom rankom, čiumpa iš gyvenimo. Drebančiom rankom, čiumpa iš gyvenimo. Panas prezidente, kenčiam mes. Nori, kad visi išeiktų į gatves. Et voilà pour Turbo Reanimatia. Nous allons maintenant passer du côté de la Lettonie à Riga avec One Voice. Ouais, donc un petit groupe de hardcore punk qui date de 96-97 jusqu'apparemment début 2000. Et le titre Lack of Respect. C'était One Voice avec Lack of Respect. Et nous allons rester en Lettonie avec PND. Ouais, on reste à Riga et on est en 98. Et avec le titre Pardo Gava. Alors, il y a un accent sur le A. Ah. Je ne sais pas comment il se prononce, comme on disait avant, le letton. Voilà, je ne connais pas. Mais bon, bref, donc Pardo Gava, et ça voudrait dire apparemment reproduit. Rastamanta, oh, when the desert unfolds for us, we die. Rastamanta. pour PND et de Lettonie avec Pardo Gava. Et maintenant, c'est le moment de passer à Tallinn, en Estonie, avec Conflict Hockey. Ouais, ça c'était une jolie petite trouvaille, je dois dire, parce que musicalement, on se déchire plutôt bien. Il y a un chant féminin, ce qui est aussi assez rare. Ouais, donc ça a été formé en 98 à Tallinn, et apparemment le groupe a splitté en 2002, ou en tout cas a plus trop fait grand chose, et s'est reformé en 2008. Par contre, je ne sais pas si ça existe là maintenant toujours. D'accord. Alors, j'ai choisi deux titres. Le premier, je pense que je n'aurai pas besoin de traduire, c'est Alcoholique. Ah, les vrais sujets, enfin. Et le deuxième, c'est Tobras, qui veut dire en désordre. Et voilà pour Conflict Hockey de Tallinn avec Alcoholique et Tobras. Et nous allons terminer cette émission comme nous l'avons commencé, c'est-à-dire à Vilnius avec Wasted Bullets. Ouais, un petit groupe de punk hardcore qui a joué de 2005 à 2011, qui a réalisé un album et un EP. Et ils le disent eux-mêmes, quelques démos merdiques. C'est bien d'être franc. De leur premier jour, quoi. Et donc, le titre, ça sera Diagnosé Negivas. Et je ne sais pas si j'ai zappé la traduction ou si je n'ai pas trouvé. Mais bon, en tout cas, voilà. Désolée de vous frustrer. Mais je pense que ça veut dire diagnostic négatif, si ma mémoire est bonne. Mais bon, bref. En tout cas, on a très envie de croire que ça veut dire ça, quoi. Parce que j'ai pensé la même chose que toi. Bah, disons que ça ressemble quand même vachement, et puis bon, ça reste, ouais, voilà. Bon, bref. Oui, c'est... et puis maintenant, on a quand même une certaine connaissance des langues de ce pays, donc on sait reconnaître. Ouais. C'est foireux, hein, ce que je suis en train de raconter. C'est ça, quoi. Allez, voilà. Wasted Bullets avec Diagnostic Negivas. We'll be right back. Et c'est ainsi que se termine cette émission dans les États baltes. Merci beaucoup, Souris, pour la préparation et l'animation de l'épisode. Avec plaisir, comme d'habitude. Et on se retrouve la semaine prochaine sur la Drouguise Radio. Salut! Restez à l'écoute car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut!